troisième temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée aux Black Studies. Aujourd'hui, notre émission d'archives du mercredi est consacrée au Festival panafricain d'Alger en 1969. Après avoir évoqué lundi les Young Lords, un groupe d'activistes latinos des États-Unis au début des années 70, un groupe très influencé par l'action des Black Panthers, nous parlerons ce matin justement des Black Panthers dans leur dimension internationale en évoquant leur présence lors du grand festival culturel panafricain d'Alger en 1969. Un festival dont beaucoup d'Algéroises et d'Algérois se souviennent encore aujourd'hui avec émotion, car il a vu confluer vers la capitale algérienne nombre d'artistes et d'activistes africains, mais aussi nord-américains. Nous en parlerons ce matin dans cette émission co-animée par Anaïs Kien, qui a préparé toute la semaine avec nous, avec Caroline Roland-Diamond. Elle est professeure d'histoire américaine à l'Université de Paris-Nanterre. Elle est auteure de Black America, paru il y a 2 ans à La Découverte. Malika Rahal sera également avec nous. Elle est historienne de l'Algérie contemporaine à l'Institut d'histoire du temps présent et elle participe au projet d'archivage des festivals panafricains d'Alger, de Dakar, de Kinshasa et de Lagos. Colonialism, we shall fight until we win. Colonialism, we shall fight until we win. Imperialism, we shall fight until we win. Imperialism. I tell you today, Namibia shall be free. Whatever happens, we will fight to the last minute. Our country, our people will be liberated. We will liberate our soil by our own hands. Namibia shall be free. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour. Bonjour à vous Caroline Roland-Diamond. Bonjour. Et bonjour Malika Rahal. Bonjour. Merci d'être là pour cette émission d'archives où nous allons évoquer justement un grand moment pour la capitale algéroise, donc la capitale d'Alger, algérienne pardon, c'est-à-dire Alger, un grand moment en 1969 qui n'intervient pas à un moment, qui intervient à un moment particulier de l'histoire de l'Algérie, puisque cela fait maintenant 4 ans, en 1969, qu'un coup d'État a mis en place le colonel Boumediene qui prend le pouvoir, qui renverse le pouvoir issu de la guerre de libération et il y a une atmosphère très pesante dans l'Alger des années 65, 66, 67, 68 et curieusement arrive ce moment d'efflorescence qu'est 1969 et le Festival panafricain d'Alger. Oui, le coup d'État du 19 juin 65 a un peu mis un coup d'arrêt à ce qui était quand même un grand enthousiasme populaire depuis l'indépendance en 1962. Et dans un premier temps, le nouveau régime n'a pas une base extrêmement solide et extrêmement large en dehors de l'armée et parvient quand même à mettre fin à des formes de mobilisation, notamment de la jeunesse, notamment autour d'activités culturelles comme les ciné-clubs, qui sont largement mis en veilleuse dans la période qui suit le coup d'État. Alors, certaines activités renaissent progressivement, mais au moment où intervient le Festival panafricain de 69, il y a un vrai retour à l'enthousiasme révolutionnaire et une vraie respiration pour la population algéroise. Qu'est-ce qui explique ce changement de pied, pourrait-on dire, du colonel Boumediene dans ce moment de 1969, puisqu'on avait l'impression que ce pouvoir était extrêmement dur et autoritaire, qu'il mettait au pas en particulier la jeunesse et les étudiants, et là, il laisse faire un moment très particulier dont on va parler pendant toute cette heure, donc où on peut s'exprimer dans la rue, on est présent, on manifeste, etc. C'est pas le premier signe d'ouverture. Il y a des petits signes d'ouverture déjà auparavant, autour de 67, 68, quand interviennent certaines manifestations étudiantes, où on sent qu'il y a une reprise de contact entre la jeunesse et le nouveau régime. 67, c'est un moment de mobilisation étudiante assez forte, pas forcément entièrement contre le régime, mais pour la mobilisation dans le cadre de la guerre de 1967, avec une demande de mobilisation de la jeunesse, des demandes de création d'un service militaire qui puisse permettre à la jeunesse de se mobiliser. Et on sent que le régime est en train de chercher des façons d'accroître sa base auprès de la jeunesse. Probablement, le régime aussi se sent consolidé suffisamment de façon à permettre cette manifestation large. Anaïs Kien. Oui, Caroline Roland-Diamond, les Black Panthers vont être présents, évidemment, à ce festival panafricain et vont discuter, d'ailleurs, férocement avec ces étudiants algériens. Aux États-Unis, depuis le début des années 60, on voit apparaître un nouveau mouvement de fierté raciale, mais au plan culturel, qui rejoint aussi ces préoccupations du festival panafricain, à la fois de présenter la vitalité de ces révolutions indépendantistes qui, pour la plupart, ont réussi en cette année 1969, mais également de développer un programme culturel, un programme de promotion culturelle de cette singularité noire. Alors, tout à fait, aux États-Unis, surtout depuis le milieu des années 60, il y a tout le mouvement la mouvance globale du Black Power, du pouvoir noir, qui a un volet culturel très fort, très marqué. Il s'agit d'exprimer par tous les moyens possibles la fierté d'être noir aux États-Unis, après des grandes victoires législatives des droits civiques, qui finalement n'ont rien résolu pour la majorité des Noirs. Et là, il s'agit d'affirmer sa fierté et son identité spécifique. Say it loud, I'm black and proud. Exactement. Et c'est la chanson de James Brown. Et black is beautiful. Ouais. Et on voit apparaître d'ailleurs de nombreux festivals aux États-Unis avant même ce festival panafricain de 1969. Il y a une efflorescence de manifestations culturelles à toutes les échelles, dans les villes, sur les campus. On voit toute une série d'organisations étudiantes noires qui se forment, surtout à partir de 67-68, et qui expriment alors à la fois donc en mêlant des activités théâtrales, des chansons, on voit des vêtements d'inspiration africaine qui tout d'un coup surgissent dans les villes américaines, transformant tout ce paysage esthétique. Et dans ce cadre-là, de fierté raciale, se développe et remis sur le devant de la scène un sentiment d'appartenance à une communauté noire mondiale. Mmh. Il y a aussi une influence et un pont très sensible entre les États-Unis et l'Algérie, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon, dont les œuvres viennent juste d'être traduites, et en particulier Les damnés de la terre, et qui vont servir de bagage idéologique, pourrait-on dire. L'œuvre de Frantz Fanon va servir de bagage idéologique aux Black Panthers en particulier, qui vont s'en nourrir, qui vont utiliser l'œuvre de Frantz Fanon pour pouvoir avoir une arme pour combattre la société ségrégationniste. Caroline Roland-Diamond. Alors Fanon a une influence considérable. Au sein du Black Panther, l'accent était mis sur l'éducation, sur la lecture. Alors pas initialement. Au tout début de l'organisation, quand elle a été fondée en 66, c'était pas l'accent qui était mis. Mais progressivement, et surtout à partir de 68, et là encore plus en 69, si on veut être membre des Panthères Noirs, il faut avoir lu un certain nombre d'ouvrages, et Fanon est numéro un. Kathleen Cleaver dit, en s'en souvenant, Les damnés de la terre devient la lecture indispensable des révolutionnaires noirs aux États-Unis à ce moment-là. Complètement. Et donc, on voit cette évolution des Black Panthers au fil des années ou même des mois, qui se présente d'abord comme une organisation nationaliste noire et progressivement comme une organisation internationaliste noire. Alors, vous avez pour un travail collectif qui est mené donc autour des festivals panafricains, interrogé Malika Rahal, certains des acteurs de ce festival culturel panafricain d'Alger. Parmi eux, Ahmed Benjaoui, vous pouvez nous dire qui il est et pourquoi il est important pour pouvoir parler de ce sujet. On va écouter un extrait de l'entretien que vous avez eu avec lui. Oui, Ahmed Benjaoui est un spécialiste de cinéma, très engagé dans l'action culturelle, dans les ciné-clubs dès l'indépendance. C'est un peu une star de la popularisation du cinéma, oui, en Algérie. Il a eu une émission culte à la télévision de présentation des films, et donc il fait extrêmement bien le lien entre les questions culturelles et les questions politiques dès avant le festival panafricain, et jusqu'à aujourd'hui, il présente extrêmement bien les enjeux de ce festival. Et d'ailleurs, ces années 60 en Algérie voient un développement du cinéma inouï qu'on a un petit peu oublié peut-être, oui, aujourd'hui d'ailleurs. Oui, mais il fait partie de ces figures de proue de la culture algérienne indépendante qui vont prendre une place et qui vont produire énormément de films dans ces années 60. Absolument. Ce que disait Caroline au sujet des États-Unis est aussi très vrai au sujet de l'Algérie et de l'Afrique. Hein. C'est la lutte par la culture, la lutte par le cinéma, les troupes de théâtre, les chants, et surtout voilà le cinéma. Et l'Algérie se projette dès la guerre en réalité, mais surtout après l'indépendance, dans une politique de fabrication de films qui fait d'elle un producteur de films et de sa cinémathèque un lieu extrêmement important pour la diffusion des films africains. Et d'ailleurs, avant d'évoquer et d'entendre Ahmed Bedjaoui, il faut rappeler, Caroline Roland Diamond, l'importance dans l'imaginaire du Black Panther Party du film La Bataille d'Alger, qui est tourné en 1966 et qu'ils vont tous voir justement pour voir ce qu'est un combat, une guérilla révolutionnaire. Absolument. Et donc, ils vont s'en inspirer pour essayer de voir ce que c'est vraiment concrètement, ce que c'est que la révolution, et une révolution qui réussit. Qui réussit. La cinémathèque était au cœur de cette ambiance. Donc, par exemple, au moment où on pensait le Panaf, parce qu'il n'y avait pas d'hôtel à Alger, pratiquement pas d'hôtel, il y avait la Laiti, il y avait le Saint-Georges, c'est tout, quoi. Il n'y avait pas de structure d'accueil. Les gens venaient. Certaines fois, on ramenait des gens pour le PANAF, on ramenait des gens, on envoyait des avions militaires qui chargeaient des troupes d'insurgés avec leurs fusils et qui les ramenaient à Alger. Et ils habitaient dans des écoles. On a libéré pourquoi on a pris la période du 15 juillet, du 15 au 30 juillet, je crois, hein, c'est ça. C'est pour les écoles. On a mis des lits dans des écoles et on a logé tout le monde dans les écoles. Parce que à l'époque, c'était pas... Bon, la différence avec le PANAF de 2009, 40 ans après, c'était le Hilton, quoi. C'était, les gens venaient, Hilton, première classe, beaucoup de moyens, peu de sens. Là, peu de moyens et beaucoup de sens. Un sens politique, c'était la décolonisation, c'était l'émancipation des peuples. N'oublions pas qu'en 61, lorsque la question algérienne a été triomphée aux Nations Unies, en même temps a été adoptée dans le sillage de cette... La résolution, je ne sais plus comment elle s'appelle, 51, je crois, sur l'émancipation de tous les peuples, encore sous le collier. Donc l'Algérie a frappé un grand coup en introduisant cela, et c'est comme ça qu'on peut imaginer la magie qu'il y avait autour d'Alger. Et je crois que c'est dans cette atmosphère qu'a été préparé le festival panafricain. Et donc ce PANAF a été... l'idée de réunir tous les mouvements de libération et tous les peuples récemment décolonisés pour construire l'unité africaine. On croyait à l'époque à l'unité africaine. Maintenant, c'est l'Union africaine, qui est différente sémantiquement. Unité, c'est quand même une seule nation. Et union, c'est l'union de peuples et de... Donc, à l'époque, on croyait à des choses utopiques, mais l'utopie faisait vivre les gens. Évidemment, il est difficile de se replonger dans cette époque, donc presque 50 ans après Malick Harhal. C'est ce que vous avez fait dans ces entretiens que vous avez eus avec différents acteurs de ce festival culturel panafricain d'Alger. Cette question de la croyance en un avenir meilleur, de la révolution à venir, de la libération de tous les peuples d'Afrique, parce qu'il faut dire qu'il y a encore quelques pays qui sont encore sous tutelle coloniale à cette époque-là, eh bien, ça fait partie, évidemment aussi l'Afrique du Sud avec l'apartheid, ça fait partie d'un combat que récupèrent, pourrait-on dire, les dirigeants algériens et la société algérienne dans son ensemble. Oui, il y a un vrai sens à ce combat. Il est à la fois militaire et culturel, et la culture est révolutionnaire. Elle n'est pas déconnectée de la lutte par la violence lorsque celle-ci est nécessaire. Et il y a un vrai élément de passage de génération avec les générations jeunes d'après la guerre qui s'investissent dans le combat qui a été le combat armé de leurs aînés, mais cette fois-ci à travers leur propre éducation, leur propre culture et le développement d'une culture populaire. C'est pas pour rien que le discours d'ouverture du grand symposium du PANAF par le président Boumédiène axe sur cette question de la culture, de la bataille pour la culture, pour le développement et contre l'impérialisme. Donc la culture est vraiment au centre. On va l'écouter d'ailleurs, ce discours de Wari Boumediene, donc président de l'Algérie indépendante en 1969 à Alger. الوحدة الإفريقية حاضر معالي الوزراء Le premier festival panafricain n'est pas un divertissement général qui nous distrairait de la lutte quotidienne. Il fait partie d'un immense effort pour notre émancipation. Il fait partie du combat que nous continuons tous à mener en Afrique, qu'il soit celui du développement ou de la libération nationale. Le colonialisme est un mal que nous avons tous subi, vécu, dont nous avons triomphé, mais son mécanisme est complexe. Le colonialisme est dans son essence, comme dans son esprit, un acte total. Il ne peut qu'ajouter à sa domination matérielle une emprise sociale et culturelle. Ce qui est très étrange, Malik Karaal, c'est que voilà un lieu qui est une Babel. À ce moment-là, il y a des Africains qui parlent français, des Africains qui parlent anglais et qui parlent peut-être portugais pour certains d'entre eux, puisqu'il y a toutes les colonies portugaises encore présentes en Afrique. Il y a des Américains qui viennent avec leur propre culture et la langue arabe est pratiquée. Tout cela se mélange dans ce moment très particulier. Ça dure combien de temps ? Une quinzaine de jours ? Ça dure une quinzaine ou une vingtaine de jours, oui. Donc c'est assez long, on parle toutes les langues et on ne sait pas toujours comment les gens communiquent. Il y a quelques cas où on comprend qu'il y a des traducteurs, qu'il y a des interprètes qui jouent le jeu de la transmission et de la traduction, notamment lorsque les jeunes étudiants algériens rencontrent les Black Panthers. On sait qu'il y a des gens qui jouent le rôle d'intermédiaire, des gens comme Julia Wright par exemple, ou son la fille de Richard mari, Wright, la fille de Richard Wright qui traduit et qui sert aussi un peu à arrondir les angles. Les intellectuels martiniquais et les activistes, les hommes politiques, les militants martiniquais, est là aussi. Il est là. D'autres jouent aussi ce rôle d'arrondir un peu les angles dans des choses qui peuvent parfois créer un peu des tensions et aussi de traduire linguistiquement pour qu'on puisse se parler en réalité. Anaïs Kien. Oui, vous parlez de tensions. Il y a l'aspect artistique de ce festival. En témoigne le film de William Klein, le Festival panafricain d'Alger, où on voit ces parades, on voit ces danses à la fois traditionnelles et ultra contemporaines, des tentatives de fusion. Je ne sais plus qui, dans un de vos entretiens, parle de l'invention du free jazz, oui, qui arrive à maturité pendant ce festival. Mais ce festival a deux têtes d'une certaine façon. Cet aspect très artistique avec Archie Jepp, Myriam Makeba, etc. Et ce colloque, ce grand symposium auquel vous faisiez allusion tout à l'heure et au cours duquel vont apparaître certaines frictions sur la notion de révolution, sur la notion de révolution raciale, sur comment mener le combat et surtout comment se parler les uns aux autres. Vous parliez de Julia Wright. Justement, son mari qui est traducteur va devoir quitter la pièce où la discussion a lieu avec Eldridge Cleaver, parce qu'il parle mal à ces très jeunes étudiants algériens qui interpellent Eldridge Cleaver sur le discours à avoir, notamment sur les blancs. Oui, il y a trois parties vraiment à ce festival. Il y a la partie culturelle dans la rue, vous l'avez dit, il y a la partie fabrication d'un film, puisque la fabrication du film de William Klein est d'emblée dans le programme du festival. Il est commandé par le ministère de l'information. Et la partie symposium qui a lieu à l'extérieur d'Alger, dans un lieu un peu sélect qui s'appelle le Club des Pins. C'est là qu'a lieu le discours de Boumediene. Et c'est là que viennent les grands intellectuels africains pour disserter sur les questions de culture, remettre en question la négritude, s'opposer au festival de Dakar de 66. Mais en même temps, ces interventions savantes qui ont lieu au Club des Pins, elles ont souvent des échos. Les gens viennent représenter dans le centre-ville, notamment dans les salles de l'université, la salle des actes de la fac centrale d'Alger, devant des étudiants et devant des foules qui sont un peu plus animées qu'au Club des Pins, certainement. Et de fait, il y a des moments de tension. Je pense que ce traducteur français, dans une ambiance un peu 68arde, a un parler un peu... se laisse un peu aller dans sa façon de parler. Et pour des jeunes Algériens de 69, avoir quelqu'un qui leur parle un peu comme ça, de façon verte, c'est pas acceptable et donc il est obligé de quitter. Et c'est une autre personne, Elaine Klein, journaliste américaine qui travaille à Alger à ce moment-là, qui prend le relais de la traduction. Alors, qui sont ces militants des Black Panthers qui arrivent à Alger, Caroline Roland-Diamond? Et surtout, ils arrivent avec une vision très radicale de la lutte qu'ils doivent mener. Et aussi, ils sont peut-être aussi surpris qu'ils ont rêvé sûrement d'Alger de loin et ils ont imaginé que ça n'était pas exactement ce que c'est, parce qu'ils pensent que c'est une une capitale africaine, ils imaginent sûrement qu'elle est différente de ce qu'ils voient quand ils arrivent à l'avion. Alors, qui arrive parmi les Black Panthers à Alger? Alors, bon, donc on vient de le mentionner, Eldridge Cleaver, bien entendu, donc qui lui est en... Ministre de l'Information, c'est ça, du Black Panther Party? Et donc, il est en fuite. Il a pris la fuite, il est parti en exil à Cuba, tout d'abord, et puis il arrive à Alger, donc via Cuba. Et il arrive une semaine avant à peu près l'ouverture du festival. Et peut-être qu'il faut préciser que c'est un moment de grande fragilité pour le mouvement des Black Panthers, puisqu'ils sont littéralement pourchassés. La guerre est ouverte depuis plusieurs mois déjà aux États-Unis contre eux, et ils prennent tous la clandestinité à ce moment-là. Alors pas tous, mais la situation est très difficile à l'intérieur des États-Unis. Et elle était déjà difficile avant. Les difficultés s'accentuent depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Nixon, qui développe tous les l'arsenal policier qui est déployé contre les Panthères, et en particulier qui développe à son maximum les programmes du FBI et du COINTELPRO. Et donc effectivement, il y a toute une série de poursuites qui souterraines ou ouvertes contre les Panthères, qui les mettent en grande difficulté. Beaucoup sont arrêtés suite à parfois des confrontations avec la police, mais donc certains sont en fuite. D'autres qui restent au pays sont sur la défensive, et c'est dans ce cadre d'une organisation qui à la fois prend de l'ampleur, développe des sections locales dans un nombre croissant de villes, donc prendre l'ampleur, mais en même temps et sur la défensive, que la vision internationale du mouvement se développe. Et dans ce cadre-là, il est indispensable pour les Panthères noirs de tisser des liens de solidarité révolutionnaire avec des mouvements à l'extérieur. Donc arrive Cleaver, il a accompagné d'autres membres du parti, comme David Hilliard, qui est lui un peu le chef de cabinet, si on veut, de l'organisation. Il est aussi accompagné de Masai Howitt, qui est le ministre de l'Éducation. On sait que les Panthères sont structurés en contre-gouvernement, donc ils ont tous des titres un peu ronflants de ministres. Et puis après, il y a donc aussi Emery Douglas, qui lui est responsable du journal de l'organisation des Black Panthers, et qui va justement se servir du centre d'information afro-américain que les Panthères ouvrent à Alger dans le cadre du festival, pour présenter le journal, pour afficher les unes qui sont très au graphisme très éloquent, et qui va justement faire ce lien avec la population qui, elle, ne va pas assister aux grandes discussions du symposium et qui est dans la rue et qui a ce contact avec les Panthères par le journal et par des discussions un peu plus simples avec la population. Moins formelles. Malika Haal, dans votre entretien avec Ahmed Bedjaoui, qui, rappelons-le, est une des grandes figures du cinéma et de la cinéphilie à Alger, à propos de ce festival panafricain d'Alger en 1969, il évoquait brièvement, on va l'entendre, la tension qu'il pouvait y avoir entre les militants algérois ou algériens et les Black Panthers. J'ai commencé à faire des émissions de télévision, une émission de télévision qui est très connue en Algérie, qui a duré 20 ans, juste pendant le PANAF. Et cette confrontation avec tous les cinéastes africains, avec tous les intellectuels africains, avec les chanteurs africains, avec les afro-américains que je découvrais, avec les cleavers. J'étais plus proche peut-être de Kathleen que de Eldridge, qui était un politique fort, véhément fort, avec une force de combat, c'était un... Bon, alors que les Africains, les combattants africains, moi je connaissais bien les dirigeants africains parce que je les ai interviewés dans mes émissions de télévision, etc. C'était des gens doux. Il y avait un gap entre cette véhémence afro-américaine, pour des raisons, parce que la ségrégation raciale venait de s'achever. L'Alabama, c'était hier. On est en 69, on est encore dans le souvenir de là-bas. Donc il y avait des saignements. L'histoire de Jackson, c'était hier. Donc on est dans une ambiance hyper électrique. Donc il y avait nous avons vécu un rêve qui nous laissait dans un sentiment de début de quelque chose, de règne, de début. C'est pas la fin d'un rêve, c'était le début d'un rêve. Et on avait l'impression que tout ça allait se dérouler sans arrêt comme cela, que l'élan d'émancipation n'allait jamais s'arrêter. On avait un repère qui nous disait: faites attention, ne rêvez pas trop fort ni trop haut. C'était l'assassinat de Lumumba. Ça nous rappelait quand même une petite lumière pour dire c'est pas gagné. Mais en même temps, on voulait croire que c'était gagné, que ça allait être... Mais voilà, mais il y avait quand même des petits signes dans le ciel d'Alger qui, dans la danse, dans la musique, dans l'insouciance, dans l'engagement, dans la fraternité africaine comme cela. Peut-être l'Algérie a depuis un peu oublié l'Afrique et l'Afrique a un peu oublié l'Algérie. C'est un peu dommage. Moi, je suis resté très, très, très, très africain. Voilà ce que disait dans l'entretien qu'il avait avec vous, Malik Harhal, Ahmed Bedjaoui. Il faut rappeler, donc il rappelait l'assassinat de Lumumba. Il faut dire que ce matin, en Sorbonne, se tient la soutenance d'une thèse de Karine Ramondi, donc en histoire, sur les assassinats de dirigeants africains, en particulier dans les années 60. Donc elle est en train de soutenir à l'heure actuelle, puisqu'elle a commencé, je crois, à 9h. Alors il faut peut-être dire, Malik Harhal, que... C'est le début d'un rêve, nous dit Ahmed Bedjaoui, mais c'est un rêve qui va quand même durer un petit peu longtemps, c'est-à-dire cet Alger, capitale des révolutions africaines et même de la révolution mondiale, c'est ce moment-là qui peut marquer ce début. J'aurais tendance à dire que c'est un renouveau de ça. Je pense que le début de ça, vraiment, c'est 62 et l'indépendance. Et d'ailleurs, 69, dans le contexte algérien, joue comme un rejeu ou une réactivation de l'enthousiasme de l'indépendance, qui est vraiment le moment où Alger devient attractive, où les gens peuvent y venir parce qu'ils ont l'impression que s'y joue une expérience particulière des indépendances, du socialisme, de la lutte contre l'impérialisme, et où l'on vient à la fois des pays qui sont encore en lutte pour leurs indépendances, des pays qui ont déjà obtenu leurs indépendances, et puis des pays européens où des socialistes, des militants communistes ou des pays d'Europe de l'Est veulent s'engager pour soutenir ces luttes. Donc 69, ça devient le moment où ça se met en scène, ça se rejoue et ça se reconnecte avec l'enthousiasme populaire. Mmh. Anaïs Kien. Oui, cet enthousiasme, Caroline Roland Diamond, les Black Panthers présents en font preuve, mais... Sait-on ce qu'ils ont ressenti pendant ce festival parce que ce rapport à l'Afrique de ces Américains est toujours très fantasmatique, très complexe, d'autant qu'ils sont à un moment à la fois de prise d'ampleur de leur mouvement, mais en même temps de fragilité face aux autorités officielles de leur propre pays. Ils arrivent dans cette Algérie indépendante qui a construit cette révolution d'indépendance. Comment vont-ils vivre finalement cette mise en présence, cette confrontation avec un réel qui peut-être jusque-là était un peu peut-être plus fantasmé que lucide sur ce continent qu'ils appellent de leur vœu dans une relation d'intimité dans cette reconstruction de cette renaissance culturelle africaine, y compris aux États-Unis. Mais je crois que le festival, dans toute la diversité culturelle qu'il présente, est surtout une grande claque. Quand ils arrivent, c'est une sorte de stupéfaction de cette diversité, et en même temps stupéfaction qui n'est pas admise. Qui se cache un peu derrière une posture quand même de révolutionnaire aguerri sans vraiment l'être. Mais bon, comme les États-Unis sont présentés comme l'ennemi absolu, voilà, donc dans cette lutte anti-impérialiste, avoir combattu le gouvernement américain sur le sol américain à leur échelle leur donne, enfin espèrent-ils, une sorte de stature qu'ils vont essayer de mettre en avant et de défendre sur place. Mais bon, il est clair que il peut y avoir malentendu. Voilà, et c'est une source de beaucoup de tension, parce que si on regarde objectivement les réalisations du Black Panther aux États-Unis par rapport aux réalisations de révolutionnaires des différents pays d'Afrique qui sont présents, il y a un décalage. Ouais. Et puis, ils peuvent être assez facilement accusés de racisme anti-blanc, y compris par les Algériens, parce que leur vision, effectivement, il faut être, vous l'avez dit tout à l'heure, fier d'être noir, mais en même temps, être vraiment tout opposé aux blancs, parce que dans leur propre pays, c'est comme ça qu'ils l'envisagent, peut passer assez mal dans certains des pays d'Afrique où ils vont se rendre. Alors ça, c'est effectivement l'image qui est associée au Black Panther Party, mais même en 1969 encore, mais c'est une image qui ne reflète pas fidèlement la réalité de l'organisation sur le terrain. C'est une organisation qui, donc, c'est comme ça qu'on les voit. Ans, tout à fait, c'est comme ça qu'on les voit, parce qu'on reste attaché à l'image de départ. Mais au fil de ces quelques années, le Black Panther Party s'est pas adouci, il est devenu de plus en plus révolutionnaire, mais il a pris conscience aussi des limites, des capacités de son action, et que dans le cadre contraint qu'est la société américaine dans ses rapports au gouvernement, il est nécessaire pour le Black Panther Party de tisser des alliances, en particulier avec des mouvements révolutionnaires blancs, étudiants type SDS, etc. Ou avec les Young Lords, donc, dont vous avez parlé au début de, en début de semaine. Anaïs Kien. Et puis les Black Panthers sont habitués à discuter des fondements de leur théorie révolutionnaire avec d'autres Noirs, puisque cette construction de la spécificité de l'identité spécifique noire aux États-Unis même fait débat entre les organisations des mouvements politiques noirs américains. Il y a il y a une culture du débat qui est très forte au sein du Black Panther Party. Depuis le début de la création de leur organisation, ils discutent, ils débattent, ils essaient d'expliquer leurs idées. Ils en viennent à formaliser leurs idées dans leur programme en 10 points. Voilà, ce que nous voulons, ce en quoi nous croyons, pour expliquer un peu plus clairement leur position dans leur complexité et avec toujours ce versant mis en avant qui est présenter l'organisation comme partie prenante d'une lutte anti-impérialiste globale. Alors Caroline Roland Diamond, il y a ces militants afro-américains qui regardent l'Afrique avec un œil rêvé, et puis il y a aussi des chanteuses sud-africaines comme Myriam Makeba qui parlent de Malcolm X. We thank you very much, ladies and gentlemen. Our next song was written for us by my little girl, who's not so little anymore. She's named Bongi. She wrote the song about a great man. I say a great man because it was a black man who fought for liberation, for the liberation of black people. Ladies and gentlemen, Malcolm X. Everybody seems to be preaching revolution. Away from oppression. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire dans une série consacrée aux Black Studies. Dans La Fabrique de l'Histoire, nous nous intéressons aujourd'hui au Festival culturel panafricain d'Alger en 1969. On vient d'entendre donc Myriam Makeba chanter la figure de Malcolm X. Qu'est-ce qu'on sait justement de ce mélange dont on parlait tout à l'heure, Malik Haral? On sait que Myriam Makeba vivait au cœur d'Alger, que certains d'entre nos camarades d'ici à Radio France se souviennent même d'avoir vécu dans le même immeuble qu'elle. Et donc, elle était là, et elle a vécu longtemps à Alger, elle est restée longtemps en exil, parce qu'elle était interdite de séjour dans son propre pays, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Oui, et Myriam Makeba est d'ailleurs devenue algérienne quelques années après le festival. Elle a enregistré une chanson très impressionnante en arabe, « Ana hurra fil jazair »,« Je suis libre en Algérie », qui est en même temps une ode à la révolution algérienne, à la libération de l'Afrique et au combat pour l'égalité, la justice sociale, le bien-être et la terre. Ce qui est quand même un programme assez spectaculaire. Et elle fait partie de ceux qui parviennent à transmettre un sens de l'africanité. J'ai interviewé plusieurs personnes qui me disent vraiment, il y a un moment dans le concert de Myriam Makeba où tout d'un coup j'ai compris que j'étais africain. Elle crie et j'ai compris que j'étais africain. Donc il y a un effet transformatif qui est assez important pour les gens qui ont participé. C'est pas D'autres discussions sont plus difficiles. Les discussions avec les Panthers sont parfois plus compliquées parce que, et tout le monde est d'accord là-dessus, entre les étudiants algériens et les Panthers, parce que la question justement de l'identité noire et de la lutte contre les blancs est très difficile à entendre pour des étudiants algériens qui, eux, se sentent en lutte contre l'impérialisme et où la question de la race n'est pas audible ou discible de la même façon. Alors, il y a aussi d'autres débats qui se déroulent. Vous avez juste évoqué cela très brièvement tout à l'heure, Malik Haral. Ce sont les débats qui portent sur un autre festival, le festival de Dakar en 1966. On voit dans l'entretien, enfin dans l'extrait de Stanislas Adotevi, qui était du Dahomey, donc on voit combien il est en guerre contre une certaine vision de la négritude. La négritude a échoué. Elle a échoué parce qu'en reniant ses origines, pour nous livrer pieds et poings liés aux ethnologues et anthropographes, elle est devenue hostile au développement culturel de l'Afrique. La négritude actuelle fixe et coagule à des fins inavouables les théories les plus usées sur les traditions africaines dont elle prétend être le reflet littéraire. La négritude des discours, la négritude d'aujourd'hui, permet à l'heure des grands partages d'avoir de bons nègres. Le résultat de toute cette plaisanterie, ce sont d'abord les fantômes qui la nuit agitent nos rêves. Ronrons d'États qui tournent à vide, démagogie antédiluvienne, valse des gouvernements, clivage chaque jour prononcé entre la ville et la campagne, absence de révolution dans les structures, fonctionnaires aérophagiques, etc. Rien n'est donc en vue sinon la rage et l'amertume. Et pour que cela change, il ne suffit plus de parler de négritude, car les nègres d'Afrique savent qu'ils sont nègres et qu'ils sont au centre du drame de l'Afrique actuelle. Il faut d'abord que chaque Africain échappe au sortilège et au spectre, en un mot, au sous-développement, expression immédiate et conséquence de la néocolonisation. Nous le disons après Fanon, la négritude, creuse, vague, inefficace, est une idéologie. Il n'y a plus en Afrique de place pour une littérature en dehors du combat révolutionnaire. Stanislas Adotevi, donc, qui intervenait dans ce symposium d'intellectuels africains du Festival panafricain d'Alger en 1969. Donc là, on voit que c'est Cédar Senghor en particulier. Senghor est la figure tutélaire de ceux qu'ils attaquent, en l'occurrence. Oui, et puis le fait d'organiser un festival panafricain à Alger, forcément, ça va déplacer la question de la race. Ça va faire jouer les leviers sur lesquels on axe la question de l'identité et de la culture. C'est une question intellectuelle, c'est une question de fond, c'est aussi une question d'organisation. Le festival, le PANAF d'Alger de 69, s'inscrit en contraste avec celui de 66 dans l'organisation dans son organisation et dans son financement. Celui de Dakar est ouvert par André Malraux, il y a des financements français qui interviennent, il y a un soutien de l'UNESCO. Là, la structure, elle est africaine et les financements sont ceux de l'État algérien. Et le projet politique, c'est aussi d'affirmer une troisième voie, un non-alignement qui n'était pas du tout présent en 66. Oui, le non-alignement qui nourrit la politique algérienne et qui nourrit le festival également. Caroline Roland-Diamond. Et oui, tout à fait. Donc là, il n'y a pas ces discussions sont extrêmement passionnantes pour les Black Panthers qui sont présents au festival, mais eux, ils ne se reconnaissent pas dans ces discussions. Ils n'en sont pas là en quelque sorte. Eux, ils sont toujours dans une logique, forcément, du fait de leur situation intérieure aux États-Unis, dans des positions qui revendique cette fierté raciale. Donc, et puis leur histoire est tellement différente aussi. Bien entendu. Voilà, donc toute cette histoire du colonialisme européen, etc., tout ça, ça ne fait pas partie de la leur, d'histoire. Alors, ça ne fait pas partie de la leur. Donc, ils revendiquent leur fierté de la résilience des Noirs américains pendant les années d'esclavage et pendant la ségrégation. Mais ils n'ont évidemment pas cette relation à la colonisation africaine, mais il se présente comme un exemple de nation colonisée. la nation intérieure au sein des États-Unis, pour essayer d'établir un parallèle. Mais le parallèle a ses limites. Et quand on va à Alger en 69, les limites de ce parallèle éclatent au visage et sont visibles de tous. Et puis évidemment, on le disait au début de cette discussion, Malik Arahal, il y a d'autres combats qui sont présents sur la scène algéroise et algérienne ces temps-ci, à ce moment-là, en 1969, en particulier les combats des indépendances des pays africains encore sous tutelle. On écoute, lors de ce festival panafricain d'Alger, Agostino Neto et Mario De Andrade, donc tous les deux Angolais, qui tous les deux donc racontent combien le combat pour leur indépendance, qui n'interviendra qu'en 1974, donc c'est 5 ans plus tard, eh bien, est essentiel à leurs yeux. Mario De Andrade et Agostino Neto. Notre lutte pour l'indépendance nationale est aussi une lutte pour la culture de notre peuple. Nous donnons beaucoup d'importance à cet aspect de l'activité de notre mouvement. C'est par cela que nous avons envoyé une délégation au symposium qui a été réalisé à Alger. Et nous avons développé le thème de la culture et la lutte libération. Ça veut dire le rôle de la culture dans la lutte libération et inversement, le rôle de cette lutte libération pour le développement de la culture. À notre sens, en tant que mouvement de libération en lutte armée, et nous avons dit, et nous avons affirmé et prouvé que la culture a été une arme de combat au moment de la prise de conscience politique, au moment du déclenchement du mouvement libertaire, mais qu'en fait, à l'heure actuelle, avec la dynamique de la lutte libération nationale, cette lutte est en elle-même un acte culturel. Elle est le cadre matériel et permet les conditions idéales pour l'épanouissement de notre culture. Mario De Andrade, qu'on vient d'entendre, et auparavant, c'était Agostino Neto, deux des grands leaders de l'indépendantisme angolais qui parle français, parce que beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, étaient réfugiés dans des pays francophones, voire en France pour certains d'entre eux. Malik Arahal. Oui, on a la présence d'une multiplicité de groupes de libération nationale, y compris de petits groupes dont on a oublié aujourd'hui l'existence, mais les plus grands groupes, c'est évidemment le MPLA du Mozambique, le ZAPU du Zimbabwe, l'OLP qui est présente à Alger, et leur présence dépasse le temps du festival. Hein. Pour certains jeunes Algérois de l'époque, c'est courant d'avoir d'anciens combattants de guerre d'indépendance encore en cours qui sont présents dans leurs écoles parce que leurs partis les ont envoyés se former en Algérie. L'Algérie a un service gouvernemental qui gère ces différents groupes, leur attribue le statut de mouvement de libération nationale et leur attribue un soutien financier. Il y a une discussion pour savoir si le Black Panther Party rentre dans ces groupes de libération nationale ou pas. Sans compter d'ailleurs une aide aussi matérielle en termes d'armes, parce que c'est aussi pendant ces périodes-là, à partir de 1969 surtout, mais ensuite tout au long des années 70, que viendront se former des groupes révolutionnaires. Oui. En Algérie, dans les maquis, dans des camps d'entraînement qui vont durer assez longtemps. C'est une tradition qui est ancienne, hein, qui date même d'avant l'indépendance, puisque un des plus proches conseillers de Lumumba s'appelle Serge Michel. C'est un Français qui avait rejoint le Front de Libération Nationale et qui a été envoyé de Tunis pour apporter son soutien logistique et en termes de conseils à Lumumba. Mais on connaît aussi le soutien à l'Afrique du Sud. À travers ces grandes figures, avec voilà des lieux d'entraînement qui sont souvent aussi connectés avec des lieux d'entraînement des combattants palestiniens, par exemple. Donc on a tout un cheminement d'un camp d'entraînement à un autre qui est possible. Anaïs Kien. C'est très intéressant, cette discussion sur la légitimité du Black Panther Party à être subventionné au même titre que les autres pays africains dans leur lutte, Caroline Roland-Diamond. C'est essentiel pour l'organisation, parce que l'organisation est en 1969, a un fort besoin de financement. Financement, non seulement pour monter des actions, c'est en 69 le moment où tous les programmes qu'ils appellent de survie en attendant la révolution, de programmes communautaires d'aide concrète aux habitants des quartiers noirs, des ghettos noirs, des grandes villes américaines, de distribution gratuite de petits déjeuners, de dispensaires médicaux, de transport vers les prisons, se mettent en place, qui coûtent de l'argent. Et autre besoin financier énorme des Black Panthers, pouvoir payer tous les frais juridiques liés à l'arrestation d'un nombre très conséquent de leurs membres. Donc il est indispensable pour eux de se faire reconnaître non seulement comme organisation de libération nationale, non seulement en termes de légitimité révolutionnaire, mais aussi en termes pratiques pour essayer de récupérer des financements. D'ailleurs, à Alger, il y aura aussi l'immense Nina Simone qui sera présente et qui sera vraiment compagnon de route pendant très longtemps du Black Panther Party, participant à des manifestations publiques, chantant pour le Black Panther, avant de partir s'installer, je crois, au Liberia ensuite, plus tard, parce qu'il y a chez elle effectivement cette dimension africaine très prononcée, Caroline Roland-Diamond. Tout à fait, et le soutien chanté de Nina Simone à la cause du Black Panther va être décisif pour précisément en quelque sorte arrondir les angles de l'image de l'organisation avec toutes ces tensions qu'on a évoquées au cours de l'émission et puis pour attirer des soutiens de tout type. Elle sera d'ailleurs plus ou moins boycottée par une grande partie de ses auditeurs précédents qui considéreront que cet engagement auprès du Black Panther Party est trop radical à leurs yeux. Ou à leurs oreilles. Mais il y en a déjà qui étaient choqués au moment de Mississippi Goddam. Voilà. Donc c'était avant même que le Black Panther Party existe. Et je l'ai entendu dans une archive dire des choses qui aujourd'hui, si un militant disait ça sur une scène, il serait immédiatement mis en prison. Elle disait est-ce que vous êtes prêt à aller brûler les maisons des blancs? Est-ce que vous êtes prêt à aller tuer un blanc? Etc. Etc. Toutes choses qui effectivement étaient extrêmement radicales dans ces années 69-70. Une des questions qu'on peut se poser, c'est la permanence de ces militants du Black Panther Party, Caroline Roland-Diamond, à Alger, puisque l'année dernière était paru un petit livre de Sylvain Patieux qui était assez formidable, qui racontait qu'en 72, des Américains, membres du Black Panther Party ou proches du Black Panther Party, détournaient un avion américain pour pouvoir atterrir à Alger. Et qu'il trouvait là, d'une certaine façon, ça s'appelait « Nous avons arpenté un chemin caillouteux », il faut le lire, c'est un très bon petit livre. Oui, qui racontait assez, de manière très très mélancolique, ça, désabusé. Le délitement aussi d'Alger en tant que capitale de tous ces mouvements de libération. Et c'était en 72, et ces militants arrivent avec leur avion, et ils voient Alger, tout compte fait, avec un gouvernement algérien qui est pas très content qu'ils aient détourné l'avion jusqu'à Alger, et qui se pose la question de savoir s'ils vont pas tout simplement être mis en taule, ce qui va être le cas. Et qui attend avec impatience que les membres du Black Panther Party qui restent sur le sol algérien, qui le quittent finalement pour libérer un petit peu un espace politique de dialogue avec les puissances occidentales qui souffrent un peu à ce moment-là. Tout à fait. En 1972, le Black Panther Party est en situation extrêmement difficile, vraiment en situation de faiblesse. Il existe encore, il est toujours actif, mais de plus en plus, il est réduit à l'impuissance. Là, on est vraiment au cœur des années Nixon, avec vraiment une montée en puissance du conservatisme dans tous les domaines aux États-Unis, qui fait que le message porté par les Black Panthers, en particulier dans son avec ses aspirations de révolution internationale, de lutte anti-impérialiste, ce message ne passe pas aux États-Unis. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, cette arrivée à Alger est tout à fait symptomatique d'un problème et d'un profond malentendu. Exactement. Malik Haral. Il y a plusieurs détournements d'avions successifs dont on ne sait pas très bien s'ils réjouissent ou pas les gens des Black Panther Parties, parce que les détourneurs d'avions demandent des rançons, arrivent à Alger avec des rançons qu'ils sont censés apporter ou qu'ils envisagent d'apporter aux représentants du parti, qui sont évidemment toujours récupérés par les autorités algériennes et rendus aux compagnies aériennes, parce que les autorités algériennes n'ont pas du tout envie de devenir la capitale du détournement d'avions, c'est pas une image particulièrement glorieuse. Et en même temps, ça leur apporte des nouvelles personnalités qui sont pas forcément toujours des militants. Certains le sont, d'autres sont un peu des figures un peu marginales, un peu originales, dont ils savent pas trop que faire et qui leur posent un problème dans leur relation avec les autorités algériennes. Les autorités algériennes commencent à trouver que ce groupe qui grandit, qui est un peu ingérable, où il y a des questions de drogue, il y a des questions d'assassinat, où il y a un peu de violence, tout ça devient de moins en moins clair et surtout ne convient pas à des relations algéro-américaines dont on essaye de les améliorer pour relancer le commerce du pétrole. Donc il y a un problème sur place avec la nature de cette section internationale du parti des Black Panthers, et puis un problème de relations internationales. Merci à vous deux, merci à vous Malik Haral. On verra l'aboutissement du travail collectif que vous menez sur ce projet d'archivage sur les festivals panafricains d'Alger, de Dakar, de Kinshasa et de Lagos d'ici quelques temps. Prochainement, donc ce projet est dirigé par Dominique Malaquet et un web documentaire est en cours de fabrication où on va pouvoir accéder à la fois aux archives et aux entretiens. Et donc pas simplement le festival panafricain d'Alger mais aussi celui de Dakar, de Kinshasa et de Lagos comme je l'ai dit. Et puis Caroline Roland-Diamond, si on veut en savoir plus sur cette Black America, eh bien il faut lire votre livre justement qui s'intitule Black America à la découverte, un excellent livre qui nous raconte la totalité, pourrait-on dire, de cette histoire de l'activisme des Américains noirs pour pouvoir reconnaître leurs droits à la fois après l'esclavage et pendant la ségrégation. Merci encore à toutes les deux. Et demain, on se retrouve, Anaïs Quin, pour parler du dernier volet de notre Black America, de notre Black Studies. Mais aujourd'hui, on a parler un petit peu de cette difficulté à communiquer entre Africains, entre militants, en tout cas pendant ce festival panafricain. Et demain, on s'interrogera sur la pertinence de s'inspirer du modèle des Black Studies américaines pour faire l'histoire des Noirs en Europe. Une Europe peut-être dont on définira les frontières demain. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Clément Daté nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et à Sierra Lid à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire, n'hésitez pas à aller sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également dialoguer avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.